bana pe baleki na ko presenter bino sikoyo lingomba oyo to bendi Victoria Eleison Victoria Eserta aluta continua oyo esali makambo bebo na kata kisasa bomba bake Paris akuta na bana Firenze Suisse Bruxelles bazongi kisasa danze. Le président Docteur, le président Singa Wutu, Bill King. Mwinga tozana Mujinga tozana ma Jalou Mimpungu tozana Simakanda et tous les Mwataba Bongo Sikoyo Victor et les Songs na Xbino Awa Depuis ton bima Mokote la kata kina meka Mokote Mama chitu to beta bota la ba télévision bota la ba film Bosse na ba replay Bota la donc Mokote la kata kini Mokote wana sana zep sabino ya solo bata Jean-Pierre Goutte-Gombe. Ah ouais, ça vient, non? L'air de jeunesse pour la catapulte, c'est le sport.